danse des générations. Rubis du temps qui cligne de l'œil. Ma mère m'attend. Je dois lui dire que je pardonne, que mes choix sont différents des siens. Quel est l'amour de ma vie ? Quel est l'amour de ma vie ? Quel est l'amour de ma vie ? Et qu'aujourd'hui, je choisis la présence à moi-même. Aujourd'hui, je m'appartiens à moi-même. Mon père aussi m'attend dans mes pensées. Je veux lui dire qu'il a le droit de grandir au-delà de ses blessures, qu'il est en sécurité, qu'il est l'amour de ma vie et qu'aujourd'hui, je choisis la présence à moi-même. Je m'appartiens à moi-même. En finir avec les mondes et désirs du passé. Avec les mondes et désirs du passé. Et entrer dans l'espace présent. Entrer dans l'action. Entrer dans l'action. Dans l'action. Dans le feu du mouvement. Habiter l'espace. Habiter l'espace. Offrir sa présence plutôt que prendre la place. Je me rends à la grâce des mondes. À la grâce des mondes. Au chant primal. Au sexe de la baleine. À la danse des générations, au rubis du temps qui cligne de l'œil.